Chère Ena, je ne trouve pas le sommeil sans que tu viennes me hanter. J'espère que tu prendras soin de ce cahier, car il contiendra bien plus que mes derniers mots sur cette face de la Terre. Je tenterai de passer ce secret. Il s'agit d'un aller sans retour. Je t'aime tellement, Ena. Sacrifice, partie 2. Le transfert. Le 7 avril 2022, sur PodCloud, iTunes, Spotify et YouTube.